C'est bien, c'est bien. Je continue. Je varie un peu. Ça y est, le cœur se met à battre. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Respirez avec toute votre peau. On va monter un peu plus haut. Et là, je commence les choses sérieuses, avec stimulation répétée. On calme le jeu, oui, c'est bien. Et on laisse les cellules danser comme des folles, complètement saoulées par la vibration sonore. Et c'est parti pour le dernier round. On s'accroche, on s'accroche. Right.